Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Grand-maman. Salut RPL, c'est Kimbo pour vous accompagner de 7h à 9h. On est parti pour Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. En écoute sur le 99FM, en DAB+, ou via les applications. Juste auparavant, c'était Tonton J, son émission Back to the House. Il reviendra samedi prochain dès 6h. Nous, nous sommes partis pour 2h de musique électronique. Donc si t'es au boulot, on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique.

RTL Radio. Club votre after du samedi matin. Thank you. tous les replays sur le www.fréquenceclub.com. Kimbo au plateau. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. première heure de Fréquence Club s'achève. J'espère qu'elle vous aura été très agréable. En attendant que la deuxième heure arrive, vous pouvez aller faire un tour sur le site de la radio. Je vous rappelle l'adresse, c'est le www.rpl.radio. A tout de suite. I will call, but black. vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.